Lorsque l'homme va vouloir procréer, il aura ce qu'il faudra pour procréer. La femme pourra aussi avoir une ovulation de façon à pouvoir procréer. Mais ça, c'est quelque chose, à un moment donné, faut voir le contexte aussi de la conférence et dans quel ordre chronologique cela se plaçait. Alors, c'est tout à fait normal d'être menstruée pour la femme. La preuve, elle est menstruée. Bon, c'est donc normal. Maintenant, la femme va continuer sa menstruation, l'homme va continuer son processus sexuel pendant un laps de temps, et lentement, les deux vont facilement arriver à un autocontrôle d'une façon énergisée. Donc, d'une façon énergétique. Mais c'est tout à fait normal, et la femme va continuer à ovuler pour pouvoir procréer, évidemment. Je vois difficilement. C'est pas que la femme enfante, sans savoir. Il paraît que c'est déjà vu. Mais ça, c'est autre chose. Tu pourrais-tu, avant de terminer, je pense que tu parles demain au Salon des sciences occultes, peut-être mentionner... Au Salon des sciences occultes, la foire occulte, non. Presque. Presque, tu es proche. Non, disons que demain, je donne une conférence au Palais des congrès dans le cadre du Salon de l'ésotérisme. Et je vais là, disons, pour différents motifs. Et la conférence que je vais donner, c'est « Une société nouvelle pour l'homme nouveau », qui est le titre. Conférence que je vais d'ailleurs me faire un plaisir de redonner ici de toute façon. Alors, ceux qui veulent s'instruire de différentes choses occultes, ésotériques, évidemment, il y a le Palais des congrès qui était ouvert à tout le monde pour ça. Mais c'est tout à fait différent, disons, de ce qu'on fait ici, ça, c'est sûr. Je donne une conférence là-bas pour le public, disons, qui vont y aller parce qu'ils s'attendent à rencontrer des choses intéressantes. Alors, moi et d'autres, on va être là pour ça. C'est demain à 1h pour les intéressés, mais de toute façon, je vais refaire cette conférence ici aussi sur une société nouvelle pour l'homme nouveau. Merci beaucoup, Daniel, à soir pour cette...